jamais. Sens y'a la vie et bandana bolingo, y'a pas mieux que ça. Mais j'ai 30 ans. Bah j'ai ado, bah j'ai asos, bah j'ai ado, bah j'ai amé, j'ai 30. Mais j'ai 30.